السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc hier, changeons de programme. Exceptionnellement, on va prendre les duros pour finir ce livre cette semaine, inshallah. Aujourd'hui, demain et après-demain. Bien la ta'ala. طيب نواصل. يقول في السؤال السابع بعد المئتين، donc 207e question، ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ donc quel est ce qui est obligatoire, le droit obligatoire qu'il nous convient de rendre aux compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et aux gens de sa maison. D'abord, il faut savoir c'est quoi un sahabi. هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان وإن تخلل بردة. Un sahabi, c'est quoi un sahabi? C'est une personne qui aura rencontré le Nabi صلى الله عليه وسلم en croyant en lui et qui sera mort sur cette foi. Et même si entre cette rencontre et cette mort, il y a eu, par exemple, une apostasie, et après qu'il a repris la foi, qu'il est rentré dans l'Iman, ça sera compté comme étant un sahabi. Et les ulama disent, « Man ra'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam », ceux qui ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en croyant en lui. Mais en réalité, le mot « rencontrer » est plus général, car des fois, tu as des gens qui sont des aveugles. Donc ils ont rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne l'ont pas vu. Donc « rencontrer » était un terme qui est plus général. Et à savoir qu'il n'y a pas d'âge limité, ça peut être un bébé. À partir du moment où il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sera un sahabi. Même si les gens l'ont vu de loin, mais ils l'ont vu, ce sont des sahabas. Ce n'est pas obligé qu'ils aient parlé avec lui ou qu'il aurait parlé lui-même. C'est qu'il l'ait rencontré, dans le sens que, même de loin, ils étaient proches de lui, ils l'ont vu. Et même s'ils ne l'ont pas vu comme étant, par exemple, des aveugles, ils étaient dans un moment où il était là, ils l'ont rencontré. Donc voilà. Donc maintenant, l'auteur va parler du droit à leur rendre et de leur mérite et de leur vertu. Al-wajibu lahum alayna salamat kulubina wal sinatina lahum wa nashr fadailihim wal kaf wal kuf an masawihim wa mashajara baynahum wa tanwiya bishanihim kama nawahu tahallahu ta'ala bizikrihim fi al-Torati wal Injil wal Qur'an. Donc ce qui nous est obligatoire, c'est d'avoir les cœurs sereins à leur rencontre. De ne rien sortir dans nos cœurs comme haine ou comme mépris ou comme reproche envers eux. Et de tenir nos langues, de ne citer en mal. Et de propager leurs mérites. Et de passer outre de leurs fautes. Et de ce qui s'est passé entre eux comme divergence et comme litige. Car il y en a eu, ce sont des êtres humains. Et il faut faire leurs éloges. Comme Allah Azzawajal les a fait dans son livre, en disant qu'ils ont été cités également dans la Torah et dans l'Injil, et dans le Coran. Les Sahaba ont été cités dans tous les livres. وَسَبَتَتْ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي الْكُتُوبِ الْمَشْهُورَةَ فِي الْأُمَّهَاتِ وَغَيْرِهَا فِي فَضَائِلِهِمْ. Également, on lit à travers différents ouvrages qui citent les Sunan, des livres authentiques et autres, qui citent les mérites des Sahaba. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرز فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليعز بهم الكفار. Dans le Coran, dans le sens où il a dit, Mohammed, c'est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les koufars et miséricordieux envers entre eux, c'est-à-dire entre les croyants. Tu les vois inclinés, prosternés, voulant par cela la grâce d'Allah Azzawajal et son agrément. Et leur signe sur leur visage par la trace de la prosternation. Tel est l'exemple que Allah Azzawajal donne d'eux dans la Torah. Dans la Torah, Allah les décrit de la sorte. et que de l'exemple dans, dans l'Injil, ils sont l'exemple d'une graine qui aura fait pousser un des plantes qui aura commencé par la racine, après le tronc, ensuite les feuilles, et qui auront rendu satisfaits les agriculteurs. Surat al-Fath, la conquête, verset 29. Ascension maintenant, ce verset-là, la trace du soujoud, ce n'est pas ce que les gens s'imaginent qui est la trace qu'on a, que les musulmans ont sur le front à cause de la salat. Ça, ce n'est pas lié à ça. Cette trace-là, elle est liée à l'épiderme. Tu as des gens qui ont la trace, tu en as qui ne l'ont pas. Tu as des gens qui font un peu de salat, qui ont une grosse trace, et tu en as qui font beaucoup de la salat, ils n'ont pas la trace. Ce qui veut dire par là, c'est la lumière sur leur visage par rapport à la salat. D'accord ? Donc cette trace sur le front, en elle-même, c'est souvent un signe qui indique que la personne a fait salat. C'est vrai, souvent quand on voit la trace sur le front, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui fait la salat. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il est vertueux ou autre. Et ce signe-là, cette trace sur le front, n'est pas liée au verset. Ne pas prendre ce verset-là comme preuve. Ça ne touche pas cette trace qu'il y a sur le front, qui est liée à au niveau d'épiderme de la personne par rapport à sa peau, sa sensibilité par rapport à la moquette, par rapport au sol, par rapport à plein de choses. Donc les sahabas ont été nommés dans le Coran, dans la Torah et dans l'Injil, et en bien. قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Ceux qui ont cru et qui ont émigré et qui ont combattu sur le sentier d'Allah Azawajel, et ceux qui les auront accueillis, ceux-là sont les croyants véritables. Et ils auront un pardon et une subsistance noble dans le Jannah. Al-Anfal, le butin, verset 74. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Il a dit les premiers, ceux qui ont précédé parmi les premiers, parmi les muhajirun et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans le bien. Allah les agrée. Et ils agréent Allah et leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils y seront éternellement. Et cela est la victoire éclatante. Le repentir, verset 100. Et j'ai oublié de citer dans l'un des versets qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux Sahaba. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Que ceux qui sont avec Mohammed sont durs envers les kuffars et qui sont miséricordieux envers eux, entre eux, les croyants. Cela indique justement que les croyants n'aiment pas les koufars. Et dire qu'ils sont durs envers eux ne veut pas dire qu'ils sont injustes envers eux et méchants envers eux. Mais qu'on ne leur montre pas d'amour en soi. Ils ne sont pas nos amis, ils ne sont pas nos alliés. D'accord ? Car déjà, ils en font trop pour se faire bien voir. On arrive à extérioriser des sentiments envers eux qui ne sont pas permis en islam. Vouloir être trop gentil avec eux, les casser dans le sens du poil. Et tout le temps les appeler non-musulmans, non-musulmans, non-musulmans, à tout va. Et en faisant ça, tu n'es pas dur envers eux. Cette dureté qui est demandée, tu n'en fais pas preuve. Tu n'es pas obligé tout le temps de le dire en face, t'as un kafir, t'as un mécréant, quoi. Non. Tu évites des fois des termes peut-être qui peuvent le faire fuir. Parfois. Par exemple, tu parles à ta mère, tu ne vas pas dire à ta mère, oui, t'es une mécréante, comme ça. C'est sûr que ça va pas trop. Ça va être difficile pour elle. Bien qu'elle l'ait. Je parle de la mère qui est une mère qui est kafir. Hein. Tu vois, tes parents, tu vas pas leur dire à tout va, vous êtes des koufars. Ta famille, tes proches, tu vois. Tu leur expliques, c'est-à-dire quoi, mécréant, par exemple, ainsi de suite. Après, t'es pas à leur dire à tout va, vous êtes des mécréants. Tout comme t'as pas non plus à leur dire à tout va, vous êtes des non-musulmans. Car non-musulman, là-bas, c'est un terme qui n'a pas été donné dans les textes. Ça, c'est un terme qu'on a inventé nous-mêmes, par la suite, pour pouvoir ne pas les choquer, ne pas les heurter. Donc attention à ça, le juste milieu. Être sage dans la darwa, mais ne pas être non plus un ramolé, mon meilleur. نعم. وقال تعالى للفقراء المهاجرين عفوا ينوض في حسابه صلى يقول تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة que Allah a déjà accueilli le repentir عفوا du prophète ainsi que des émigrés et des Ansar, ceux qui l'ont suivi lors de l'heure difficile. Et ça, c'était la bataille de Tabouk. Allah Azzawajal a fait l'éloge de ces gens-là. Donc aujourd'hui, des gens cherchent des références, ne savent plus à qui se référer et dire qui est sur le vrai, qui est sur le faux. On te dit, dans le Coran, Allah te dit que ces gens-là, il a fait leur éloge. Donc, suis leur voie à eux. Là, maintenant, tu as une référence, tu as une garantie sûre, les Sahaba. Sûre. Et ceux qui étaient sur leur voie. Si tu t'es parpillé, tu vas à droite à gauche, tu vas te perdre. Tu vas t'égarer, comme on a pris dans les doulous précédents. Le Sirat Mustaqim, il est un. La voie à suivre n'est qu'une. La religion à suivre n'est qu'une. Et la voie des Sahaba n'est qu'une. C'est celle-là qu'il faut suivre pour aller sur l'islam véridique. Sans quoi tu vas te perdre. On ne dit pas que tu deviendras forcément un kafir en ne suivant pas les Sahaba, mais tu seras au minimum un mubtadi'a. Et après, t'en as, leur bid'a les amène à m'y croire. À devenir des anadiqa. Ils se disent musulmans, mais ce sont des gens qui sont sortis de l'islam par leur croyance qui est fausse, qui amène à démentir la révélation. Et c'est à différents versets où Allah Azzawajal fait l'éloge. Et sachez une faïda par rapport au fait de dire radiyallahu anhum, qu'on traduit souvent par que Allah les agrée. Sachez une chose, que ça c'est un dua et en même temps c'est un khabar. C'est une invocation en leur faveur. Également, c'est une information qu'on informe que Allah les a agréés. Allah a agréé les sahaba. Tout comme on peut demander que Allah les agrée également pour avoir encore plus de mérite. Mais « radiyallahu anhum » n'est pas forcément un dua, mais ça peut être un « afwan ». Je dis « khabar », je veux dire « ikhbar ». Un « ikhbar ». Tu informes et tu affirmes et tu attestes que Allah a agréé ces gens-là. Donc on peut dire qu'Allah les agrée, donc on peut dire « Allah les agrée » dans le sens où tu affirmes, comme tu peux dire « Allah les a agréés ». Ne pas croire que c'est qu'un dua seulement, ça a différents sens. Mais tous reviennent à une même chose qui est le fait de citer que ces gens-là sont la référence. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, bien évidemment, et ensuite ces gens-là qui sont les meilleurs des hommes, dans l'absolu après les prophètes et les messagers. قال ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل البدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Et nous savons, et nous avons pour croyance que Allah Azzawajal sait qui étaient les gens de Badr, qui était la première bataille qui a eu lieu en islam après la Hijra. Et que Allah Azzawajal a dit à leur rencontre. Quand je dis à leur rencontre, je ne sais pas si à leur rencontre ça se dit en français, ça ne mène pas à une critique. On va dire à leur faveur. D'accord, à leur faveur c'est mieux. Des fois, je m'excuse des fautes de français par rapport à l'oubli. Faites ce que vous voulez, car je vous ai déjà pardonné. Et dans ce sens, ce hadith-là ne veut pas dire qu'ils peuvent arrêter la salat et faire les péchés. Non. C'est là pour dire que Allah sait que ces gens-là, ils sont des gens de bien et que justement, ces choses-là, ils ne le feront pas. Et s'ils le font, ils le feront peut-être par erreur. Comme ce fut le cas de ce sahabi qui a voulu informer du plan du prophète sallallahu alayhi wa sallam en envoyant une lettre à Quraysh. Et c'est là que ce hadith il est venu. Car à la place de faire cela, c'est un acte qui fait sortir de l'islam. Et lui n'a pas voulu faire cela. Mais il avait des gens auprès d'eux qui étaient encore à Mecca, il avait peur pour eux qu'ils ne soient lésés. Et lui ne pouvait pas les protéger. Donc par peur pour eux, il a envoyé cette lettre-là pour informer Quraysh des plans du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand cela a été su, Omar a voulu le tuer. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Et après, il a cité ce hadith-là, que Allah azawajal, que cet homme-là était parmi les gens de Badr, et que Allah azawajal leur a pardonné. Mais lui, quand il a fait cela, il n'a jamais voulu trahir les musulmans, mais il a eu peur pour ses proches qui étaient à Mecca. Et regardez, cela lui a été pardonné. Cela lui a été pardonné. Et il a été dit qu'ils étaient à Badr, 310 et quelques. Et qu'aucun d'entre eux ne rentrera au feu. Également parmi ceux qui ont porté l'acte de porter allégeance au Nabi sallallahu alayhi wa sallam sous l'arbre. Vous voyez, Bayatul Ridwan, c'est qui est le pacte de l'agrément. Ils étaient 1400 à peu près. Et certains ont dit 1500. Qu'Allah Ta'ala, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Dans le sens où Allah dit que Allah a certes agréé les croyants qui t'ont porté allégeance sous l'arbre. Et il a su ce qu'il y a dans leur cœur. Également sur Al-Fath, la conquête, verset 18. Qu'il a su qu'ils étaient véridiques, qu'ils étaient sincères. Sachez une chose, que les gens de Badr, déjà à la base, les munafiqoun ne sont apparus que à Al-Medina et que après Badr. Par la suite. Et là, ils ont été vraiment dévoilés, c'est à Tabouk. Razo de Tabouk, c'est là que les versets sont descendus sur eux. Mais en cela, il n'y a pas de munafikoun. Et quand les munafikoun ont vu justement que Badr, les musulmans commencent à prendre du poids et à devenir forts, là, ils ont commencé à apparaître. Quand je dis apparaître, ils ont commencé à exister. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit qu'on ne peut pas montrer ou faire opposition au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, on ne veut pas être musulman, on n'y croit pas. Donc ils ont fait croire qu'ils étaient musulmans sans l'être pour pouvoir se cacher. D'accord ? Et ne pas être dévoilés. Donc lorsque l'islam il est fort, c'est là que tu vois que les munafiqoun sont obligés de se cacher. Mais aujourd'hui, on est une époque où on est tellement faible que les munafiqoun aujourd'hui ne se cachent même plus. Et t'as d'ailleurs, ils appellent cela le zindiq. Le zindiq, c'est le munafiq qui cache plus son ifaq. Qui dit des atrocités et des immensités et des énormités au nom de l'islam ouvertement en public. Et t'en as dit, le zindiq, c'est celui qui croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui le dément dans le sens où il ne le suit pas comme il se doit, et ils font des actes de kufr. D'accord ? Il croit à la révélation, mais il ne se soumet pas. Et lui dira qu'il y croit, et qu'il en est. Et le munafiq de dit, c'est celui qui ne croit pas en Mohammed aslan, qui ne croit pas à la risala, il ne croit pas au message, il ne croit pas au Coran, mais il fait croire qu'il y croit. Donc il y a différentes définitions et nuances qui ont été données entre le zindiq et le munafiq. Mais généralement, quand on dit zindiq, on veut dire munafiq. Après, il y a des petites différence. Et l'auteur, il dit par la suite que nous attestons qu'ils sont le meilleur des siècles dans cette communauté. Et qu'ils sont la meilleure des communautés. Et dans le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Khair, korn, korni, thumma lazin yalounahum, thumma lazin yalounahum » que le meilleur des siècles sont mon siècle à moi, c'est-à-dire les sahaba. Puis ceux d'après, qui sont les tabirin. Puis ceux d'après, qui sont les adba'a tabirin. Tabirin sont ceux qui ont connu les sahaba, mais qui n'ont pas connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou adba'a tabirin sont ceux qui ont connu les tabirin, mais qui n'ont pas connu les sahaba. Et encore moins, bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces trois générations-là sont les meilleures de l'islam. Attestées par ce hadith. Ce qu'on appelle les salafs. À la base, les salafs, concrètement, sont les sahaba. Ensuite, toute personne qui était sur leur voie, qui nous a précédés. Et donc souvent, on va l'utiliser pour ces siècles-là. Mais aujourd'hui, même un salafi, qui est mort sur la sunna ou quoi, c'est un salaf. Les imams contemporains qui sont déjà morts sont des salafs. D'accord ? Ce sont des salafs pour nous. Et ensuite, il dit que si toute personne qui dépenserait l'équivalent de Uhud, Uhud c'est la montagne qui est le Médina, vous savez, la grande montagne, toute personne qui arriverait à dépenser en aumône l'équivalent de Uhud en or, ne pourrait égaliser, ne serait-ce qu'une paume de l'un d'entre eux, Afouane, dans le bien. Imaginez-vous la comparaison. Ensuite, comme dit l'auteur, Yaqoul, « Ma'a l'irtiqad annahum lam yakunu ma'asoumin, bel yajouz alim al-khata » Nous avons pour croyance qu'il n'était pas infaillible. Ils ont pu se tromper. Et il y en a qui ont fait des erreurs. Cependant, eux, celui qui aurait fait un ijtihad et qui aurait eu raison, il aura deux récompenses. Pour l'ijtihad qu'il a fait, pour le fait d'avoir vu juste. Et celui qui aura fait un ijtihad et qui n'aura pas vu juste, lui, il aura récompense de l'ijtihad. Quoi qu'il fasse. C'est pour ça que des fois, on a déjà décrit des actes de sahaba, comme étant de la bid'a, comme on l'a dit la dernière fois. Mais ça ne veut jamais dire que c'est des moutadir, jamais de la vie. Il n'y a pas de moutadir chez les sahaba. Jamais. Mais l'acte qu'ils ont fait est jugé comme étant une bid'a. Si nous, demain, on arrive à le faire, à le commettre, en sachant que cet acte n'est pas conforme à la sunna et qu'on le fait quand même. À bien comprendre. Mais le sahabi qui aura fait l'acte en lui-même, d'accord, son acte n'est pas jugé, ou plutôt lui n'est pas jugé comme étant un moutadir. Et qu'il a voulu propager par cela une bid'a. Sûrement pas, jamais de la vie. Donc bien comprendre que ce n'est pas une diffamation. Ce n'est pas une offense. Et plusieurs savants l'ont dit. D'accord ? Et même des sahabas eux-mêmes ont blâmé des actes de certains sahabas à leur époque. Ils n'ont pas accepté. Car l'acte d'un sahabi n'est pas un argument en soi. Sauf si, à quel moment, il ne s'oppose pas à un texte et qu'il n'y a aucun autre sahaba qui l'aura contesté. Là, on peut dire que l'acte du sahabi, on le prend comme dalil. Sans quoi, des sahaba ont fait des actes et d'autres sahaba ont dit non, c'était pas correct. Ou non, on n'était pas d'accord avec lui sur telle et telle chose. Ou un sahabi a fait tel acte, d'autres sahaba n'ont pas agi pareil, n'ont pas agi de la sorte. Non. Donc c'est bien comment cela par rapport aux sahaba. Et il dit qu'ils ont tellement de bonnes actions que cela a fait disparaître les erreurs qu'ils ont commises. À l'exemple d'une najasa que l'on met dans la mer. Quelqu'un qui urine dans la mer. Qu'est-ce que son urine elle vaut dans la mer? Elle disparaît automatiquement. Et bien il dit, la mauvaise action est comparable à cela, à une impureté qui tombe dans la mer. L'impureté, elle va être évincée automatiquement, disparaître, désintégrée dans la mer. Aucune trace d'elle. Et bien c'est pareil pour leurs actions qu'ils auraient commises qui n'étaient pas correctes. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Dans le même pour toute parole qui serait profanée en dehors à l'encontre des femmes du prophète Nabi صلى الله عليه وسلم, ceux qui les critiqueraient, d'accord, auraient commis une faute immense. Et cela peut aller au kufr. Tout comme par exemple ceux qui disent que Aïcha a commis l'adultère. Ça c'est de la mécréance automatique. Car Allah dans le Coran l'a déjà innocenté de cela. Donc celui qui viendra dire le contraire, tayyib, aura démenti le Coran et en plus cela viendra à diffamer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui avait une femme qui était une fornicatrice. Et ça, il n'y a aucun prophète qui n'a eu de femme qui a fait cela. Aucun. Certaines ont trahi leur mari dans quel sens? Qu'elles n'ont pas suivi leur religion. C'est là la trahison. Mais trahison qui est liée aux turpitudes, jamais. Jamais de la vie. Ni le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun prophète, ni aucun messager. Et cela reviendrait à les diffamer eux-mêmes en disant cela. Donc Allah Azawajal les a purifiés. Et les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les mères des croyants. Elles sont nos mères. Et d'ailleurs, après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient des maharim. Il était interdit à quiconque de se marier avec elles. Tayyib, il est l'abed. Ça ne veut pas dire qu'il pouvait rester seul avec elles ou les toucher. Non. Mais le mariage était interdit par la suite. Ouais. نبرا من كل من وقع في صدره ولسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وعلى أحد منهم ونشهد الله تعالى على حبهم وموالتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول لا تسبوا أصحابي وقال الله الله في أصحابي. Donc nous prenons Allah en témoin, ou plutôt nous désavouons toute personne qui aura dans en lui quelconque mépris ou manque d'amour envers eux, ou qui aura parlé à leur rencontre en mal, ou les gens de sa maison. Et nous prenons Allah en témoin que nous les aimons et que nous sommes leurs alliés autant que nous le pouvons. Et cela pour protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car protéger les sahaba, c'est protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Protéger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est protéger l'islam. Car ce sont eux qui l'ont fait parvenir jusqu'à nous en cette époque. Ils ont lutté corps et âme, d'accord, ils ont voué leur vie pour l'islam. Il nous est parvenu aujourd'hui, donc il nous est obligatoire de les aimer. D'accord? De les aimer et de les vanter et de les défendre et de ne citer qu'en bien. Et cela, ce qui s'oppose à cette croyance-là, c'est la croyance des Shia, qu'on appelle les chiites, et particulièrement des Rafida, qui sont des koufars justement par rapport au fait qu'eux, ils rendent mécréants des Sahaba, mais quasiment presque tous les Sahaba, d'accord? Presque tous, ils les kafars. Wa'alaazu billah. فهم أكثر من اليهود والنصارى. الرافضة sont des gens qui sont encore plus mécréants que les يهود et les نصارى. C'est ça qu'on a ici au Yémen. Les Houthi, ces gens-là qui ont pris le contrôle du nord du pays, et ces gens-là qui ont été affrontés à des Majj. D'accord. Les premières personnes que les Houthi ont affrontées, c'est les Salafites de Majj. Qui a leur premier obstacle à leur plan de prendre le contrôle du Yémen, c'était en premier lieu affronter les gens de la Sunna. Et l'essence des gens de la Sunna, le bruit des gens de la Sunna au Yémen, c'était les gens de Majj. Comme vous le savez. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'acceptez pas mes compagnons et craignez Allah dans mes compagnons. Donc Allah, inni tarikun fikum thaqalain awwalahuma kitabullah fakhudhu bi kitabillahi wa tamassaku bih wa ahl bayti uzakkirukum Allah fi ahl bayti. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vous laisse deux charges. La première, c'est le livre d'Allah Azawajal. Donc, prenez le livre d'Allah Azawajal et accrochez-vous-en. Et accrochez-vous-y plutôt. Et il a dit également, je vous laisse les gens de ma maison. Et je vous rappelle, je vous exhorte en Allah les gens de la maison prophétique. Ça veut dire de leur rendre leurs droits. Mais attention, ce n'est pas toute personne qui est de la maison prophétique qui est forcément une personne de droiture. Là, il s'agit des gens de la maison prophétique qui sont sur la croyance authentique. T'en as parmi eux, c'est des Rafida, qui sont de la descendance du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de sa maison. Ils sont min Ahlul Bayt, mais ils ne sont pas des gens qui méritent ce rang-là. Il a bien dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, « Man bata abi amalu, la musliyah nasabu. » Celui dont les actes ne sont pas bons, ce n'est pas sa descendance ou l'ascendance qui va l'aider. Tu peux être le fils d'un savant, le fils d'un homme pieux, et tu peux être la pire des créatures. Noor, son fils, était un kafir. Ibrahim, son père, était un kafir. Taïeb. Et ainsi de suite. Donc là, ce qui est voulu par les Ahlul Bayt, ce sont les gens de la maison prophétique, mais qui sont sur la croyance authentique. À bien comprendre cela. Il n'est pas dans l'absolu. Quand la fissoua le samin badel miyatayn. 208e question. Man afdar sahaba ijma'alan. Qui sont les meilleurs des sahaba globalement. Afdaluhum as-sabiqun al-awwalun min muhajirin, thumma al-ansar, thumma al-badr, fa uhud, fa bi'at al-ridwan, faman ba'dahum, thumma man anfaqa min qabl al-fath, wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du, wa qatalu, wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Donc les premiers, les meilleurs des sahaba en premier sont les muhajirun. D'accord ? Ce sont eux les premiers qui sont entrés en islam et qui ont fait la hijra. Ensuite les Ansar, ceux qu'ils ont accueillis, El El Medina. Ensuite les gens de Badr, ceux qui ont combattu à Badr. On a dit que c'est à peu près 310 et un peu plus. Ensuite les gens de Uhud, qui ont fait la conquête de Uhud, la bataille de Uhud. Ensuite les gens qui ont fait le pacte d'allégeance sous l'arbre. Et ensuite ceux d'après eux, qui ont participé à la conquête de Mecca. Ainsi de suite, ils sont de différents degrés. Qala fi sawal at-tasir ba'd al-mi'atayn. 209e question. Man afdal as-sahabati tafsilan. Maintenant, qui sont les meilleurs des sahaba de façon détaillée. Qala Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, kunna fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wasallam la na'dil bi Abi Bakr ahadan, thumma Omar, thumma Uthman, thumma natruk ashab an-nabi sallallahu alayhi wasallam la nufadil baynahum. Il a dit Abdullah ibn Omar que à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wasallam, il n'y avait personne pour nous qui égalisait Abu Bakr. Ensuite, Omar, ensuite, Othman, ensuite, il n'y a pas de préférence. Et en réalité, comme cela va venir, le quatrième, c'est Ali, radiallahu anhu. C'était Ali. Donc le meilleur d'entre eux, c'est Abu Bakr, radiallahu anhu. Et son nom, c'est Abdullah ibn Othman. Abdullah, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le prénom de Abu Bakr. Il s'appelle Abdullah. Il s'appelle Abdullah. Abu Bakr, c'est sa kunya. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma zonnuka ya bisnein ya Abu Bakr wa Allah salithuhuma. Il a dit que pour deux personnes, alors que Allah est leur troisième. Il a dit cela au moment où ils étaient dans la caverne, lorsqu'ils fuyaient pour faire la hijra, et que Quraysh était au-dessus d'eux et ont failli les voir. Et que même Abu Bakr, il a eu peur de dire, si l'un d'entre eux s'était baissé, nous aurait vu automatiquement. Et de là, il lui a dit, la takhaf inna Allah ma'ana, n'aie pas peur car Allah est avec nous. Dans le Coran. D'accord ? Et dans un hadith, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abu Bakr, et que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième, pour dire le mérite d'Abu Bakr ? Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Lokuntu mutakhizan min ummati khalilan attakhastu Abu Bakr khalilan walakin akhi wa sahibi. » Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Si je vais prendre une personne comme Khalil, et Khalil à la base, ça vient de Khulla, et le Khulla, c'est le plus haut niveau de l'amour. » Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de traduction pour Khalil. Il y en a qui disent « ami intime, confident » ou quoi, mais en réalité, on n'a pas de mot équivalent en français. C'est la personne la plus aimée qui soit. Et d'un amour au summum de l'amour. Bien sûr, qui n'est pas l'amour ibadah, qui est celui que l'on doit à Allah Azzawajal. Ça, c'est l'amour. D'accord ? Et d'ailleurs, Allah Azzawajal a dit qu'Ibrahim était son Khalil. Donc, est-ce qu'on peut traduire par ami confident ? Allah n'a pas d'ami, bien évidemment. Il n'a pas de confident. Kazalik. Jamais. Voyez ? Donc, c'est pour ça que le mot Khalil, en réalité, il est intraduisible, à ma connaissance. Donc il a dit, Nabi Salam, si je vais prendre un Khalil, ça aurait été Abu Bakr mon Khalil. Cependant, il est mon frère et mon compagnon. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah ba'athani ilaykum fa kultum kazabta wa qala Abu Bakr sadakta. Wa wasani bi nafsi wa mali fa hal antum taliku li sahibi. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah m'a envoyé vers vous et vous avez dit, tu as menti. C'est-à-dire, lorsqu'au début, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec la révélation, les gens l'ont démenti. Et il a dit, Abu Bakr a dit, tu as dit vrai. C'est-à-dire, il m'a cru tout de suite. Abu Bakr, c'est le premier homme à s'être converti à l'islam parmi les gens libres après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé et chargé de retransmettre le message. Car avant lui, avec qui? Il y avait Waraka ibn Nawfal, qui était l'oncle de Khadija. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il est parti le voir pour lui expliquer qu'est-ce qu'il avait vu. Et là, Waraka ibn Nawfal, il a dit que si jamais je suis vivant lorsque ton peuple t'expulsera, je te défendrai. Donc il a cru en lui. Cependant, à ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore reçu la mission de propager aux gens. D'accord? Pas encore. Donc, c'est pour ça que souvent les ulama ne le citent pas. Mais on dit le premier qui a cru en Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé à l'islam, ça a été Waraka ibn Nawfal, ça a été Abu Bakr, parmi les hommes libres. Sinon, parmi les esclaves, il y a eu Bilal. Et parmi les jeunes qui n'étaient pas encore pubères, il y avait Ali. Parmi les femmes, Khadija. Naam. Et donc, il a dit que Abu Bakr m'a protégé par sa personne et par ses biens, donc laisse-le tranquille. C'est pour ça qu'il a été nommé Siddiq. Car tout ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, il croyait aussitôt, directement. Après, il a dit, le deuxième sahabi qui vient en deuxième position, c'est Omar ibn Khattab. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hey, Ibn al-Khattab, wallazi nafsi biyadi, malakita, ou malakiyaka shaytan, salikan fadjan, khat ila salaka fadjan ghayl fadjik. Muttafakun ali. Qu'il a dit, oh, fils al-Khattab, par celui dont mon âme est dans sa main, Shaitan n'a pas rencontré sur un chemin, ne t'a pas rencontré sur un chemin sans qu'il ne prenne un autre chemin. Taïeb, quand le Shaitan voyait Omar, il changeait de chemin. Regardez ce qui vaut la force de Omar, radira anhu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. Qu'il a dit qu'il avait à l'époque dans chaque communauté des muhaddithoun, c'est-à-dire des gens qui étaient proches de la prophétie, très proches de la prophétie, dans leur intuition, dans leur intelligence, dans leur clairvoyance, très très fort. Il a dit, si jamais il y en avait bien dans ma communauté, ça aurait été Omar. Et d'ailleurs, Omar a souvent eu des suggestions en devançant le Coran, qui après la révélation est venue pour affirmer que la suggestion de Omar, son idée, était bonne. Ça arrivait plusieurs fois. Parmi ses fadas, il s'est mérite les mérites de Omar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة فإني أؤمن به أبو بكر وعمر أو plutôt أؤمن به وأبو بكر وعمر. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم, parce qu'un homme avait raconté qu'avait un loup lui avait parlé et un autre avait raconté qu'une vache lui avait parlé. Les gens étaient surpris. Il a dit moi j'y crois et Abu Bakr il y croit et Omar il y croit également. C'est pas que les gens n'y ont pas cru au début, mais ils ont été en fait surpris sur le moment. Vous savez, on vous dit qu'un loup l'a parlé. Tu vas être choqué sur le moment. C'est pas que tu crois pas, c'est sur le moment, ah, tu es subjugué. Pareil, on te dit qu'une vache, elle a parlé. Tu es subjugué. Sauf que eux, tout de suite, ils y ont cru. Sans même être choqué ou surpris, ils y ont cru automatiquement. Naam. Waqala. Maintenant, le troisième, c'est qui? C'est Othman, radiallahu anhu. Car Othman n'était pas présent lors du pacte de l'agrément, l'acte Bayat al-Ridwan, sous l'arbre. Cependant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris sa propre main, dans sa main, il a dit « Hadhihi li Othman ». C'est-à-dire, il a fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est serré sa propre main en disant « Cette main-là, ça c'est le pacte de Othman, il n'est pas là, mais s'il avait été là, il l'aurait fait, il aurait été là avec vous. » Taïeb, naam. « Wa qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yaghfar bir Roma falaw al-Janna. » Il a dit donc, qui va creuser le puits de Roma, il aura le Jannah. Othman, il a dit moi. Qala man jahaza jaysh al-usra falahu al-Jannah. Celui qui équipe, c'est-à-dire qui arme, qui équipe la troupe, l'armée qui va battre à Tabouk, il aura le Jannah. Qui est-ce qui l'a fait? Othman. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alastahim mimman istahiyat minhu al-malaika, ne veut pas être. Ne serais-je pas donc gêné d'une personne dont les anges sont gênés? Il s'agit de qui? De Othman. Et il y a plein de fadaïl, c'était de Othman. Voyez, il a fait beaucoup d'actes, des grands actes pour la religion, et il a été tué par les Khawarij. Il a été tué zulman en lisant le Coran, et même de son sang, sur le Mus'haf. Il a été tué injustement par les Khawarij, alors qu'il lisait le Coran. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك tu es de moi et je suis de toi. وأخبر عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. Il a dit de lui que Ali aime Allah et son messager, que Allah et son messager aiment Ali. Et ça, on avait dit dans un vers précédent, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le lendemain, il allait donner l'étendard à quelqu'un que Allah et son messager aiment, et que lui, il aime Allah et son messager, et que Allah fera obtenir la victoire par son biais. Ce fut Ali. Radi Allahu anhu, ce fut Ali. Wa qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kuntu mawlahu fa Ali mawlahu. Celui dont je suis l'allié, Ali également est l'allié et le secoureur. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لنبي بعدي. Il a dit n'aimerais-tu pas d'être de moi ce que Harun était à Moussa, cependant il n'y a pas de prophète après moi. Pourquoi? Parce que lorsque Moussa est parti pour lorsque Allah Azza wa Jalla lui donnait rendez-vous pour lui parler dans la montagne, il est parti la rencontre de son Seigneur. Et quand on dit une rencontre, ce n'est pas une rencontre physique. Il a confié Ben Israël à Harun. D'accord? Et Harun était un prophète également. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti pour l'une des conquêtes, il avait confié à Ali de s'occuper des gens qui restaient à Al-Madina, qui étaient les femmes, les faibles, les enfants. Et Ali se sentit un peu blessé de cela. Car les munafiqoun disaient, regarde, toi, c'est dans le sens, toi, tu n'es pas capable d'aller te battre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'a laissé en arrière, t'occuper des faibles. Et c'est là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole-là. Que je te confie, on part, ce qu'on te laisse, c'est une amana, c'est le plus important, nos femmes, nos enfants, Al-Medina et autres. Il faut quelqu'un qui reste pour veiller sur eux. Donc c'est une charge, c'est une fonction qui est importante. Donc je te la confie à toi, et il n'y a aucun rabaissement, au contraire, c'est valeureux pour toi. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a 10 personnes qui sont au Jannah. Le hadith des Ashara al-Mubashirun bil Jannah. Ils disent qu'ils sont annoncés au Jannah. Il a dit Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Othman fil Jannah, Ali fil Jannah, Talha fil Jannah, Az-Zubayr ibn Awam fil Jannah, Sa'd ibn Malik fil Jannah, Abdurrahman ibn Awf fil Jannah, wa qala Sa'id ibn Zayd fil Jannah, wa law shittu la samaytu wal 'ashir. Yani nafsuhu, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Afwan, Ali, radiallahu anhu, anhum ajma'in. Donc les 10 ont été annoncés au Jannah et Ali est parmi eux. Seulement non, par modestie, il ne s'est pas nommé. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Arham ummati bi ummati Abu Bakr, wa ashadduha fi dinillah Omar, wa asdakuha haya'an Othman, wa a'lamuha bil halal wal haram Mu'az ibn Jabal. وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي وأعملها وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت ولكل أمة أمين وأمين دي الأمة أبو عبيدة بن جراح. Il a dit le plus miséricordieux de ma communauté envers ma communauté c'est Abu Bakr, et celui qui est le plus dur, qui a le plus de rigidité et de rudesse pour elle, c'est en religion, c'est Omar. Et celui qui a le plus de véracité et de plus de pudeur, c'est Othman. Celui qui est le plus savant dans le halal, dans le haram, c'est Mu'az. Et celui qui a le plus de science dans le Coran, qui le connaît mieux, c'est-à-dire l'arrestation et tout ce qui y ressemble, c'est Ubay. Et celui qui a le plus de savoir dans le faraï, c'est-à-dire dans l'héritage, c'est Zayd ibn Thabit. Et celui qui est le plus de confiance, l'homme de confiance de ma communauté, c'est Abu Ubaïda ibn Jarrah. Ce hadith n'est pas authentique chez beaucoup de savants, mais son sens en lui-même n'est pas à négliger. Et en réalité, qui est l'homme le plus savant de la communauté? C'est Abu Bakr. Les gens vont dire, mais comment ça se fait qu'il est le plus savant? Il est parmi ceux qui ont rapporté le moins de hadiths. Il a été rapporté de lui qu'il n'ont récité que 100 hadiths. Et Abu Huraira, qui n'est venu en islam que 3 ans avant la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté plus de 5000 hadiths. Il est celui qui a mémorisé le plus de hadiths. Comment ça se fait alors qu'Abu Bakr était avant lui en islam, était le plus souvent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Comment cela se fait? Du fait que, en réalité, Abu Huraira est celui qui est le plus mémorisé, qui en a le plus cité. D'accord? Mais Abu Bakr, en réalité, on connaissait plus, mais était occupé par la suite, car après la mort du Nabi, c'est lui qui a pris le pouvoir. Donc il n'était pas en mesure d'enseigner aux gens la sunna. Il était occupé par autre chose. Et il y a des sahaba également qui n'aimaient pas rapporter le hadith, si ce n'est que par le terme exact, mot pour mot. Mot pour mot. Et en réalité, le hadith, on peut le citer par le sens. Mais tant là, ils voyaient qu'on citait le hadith que par du mot pour mot, donc par peur de tomber dans le péché, ils ne rapportaient pas de hadith. Vous voyez, de peur de se tromper sur un mot, même si ils donnaient un synonyme, par crainte de se tromper, ils ne citaient pas de hadith, ou très peu. Et d'autres, qui voyaient qu'on pouvait rapporter un hadith dans le sens, on en citait beaucoup plus. Ibn Omar, parmi ceux qui ont cité beaucoup de hadith, Aïcha, ou Abdullah ibn Amr, également qui est le deuxième après Abu Huraira. Mais en réalité, Abu Bakr était plus savant qu'eux. Et connaissait plus de hadith qu'eux. D'accord ? Et connaissait le Coran mieux qu'eux. Seulement, il n'a pas été connu pour cela par la suite, qui est le fait de propager cela. C'est tout. Omar, pareil. Omar était plus savant qu'Abu Huraira, largement. Ou Akaza. Donc, il y a des causes qui font que on arrive à comprendre pourquoi des sahabas plus grands et plus anciens, d'accord, n'ont pas eu des qualificatifs qu'on a donnés à des plus jeunes et qui sont arrivés après eux en islam. En réalité, malgré tout, Abu Bakr reste le plus savant des sahabas. Itlaqan. Cependant, il se peut que certaines personnes, sur certains points, ont eu un savoir que lui n'a pas eu. Naam. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-Hasan wal-Husayn wa innahuma sayyida shabab ahli al-Jannah. À propos de ses petits-fils, al-Hasan et al-Husayn, qui sont les maîtres des jeunes, d'accord, au Jannah. C'est-à-dire les jeunes qui sont cette dunya qui sont morts, jeunes. En réalité, au Jannah, on est tous jeunes. D'accord ? Quand je dis on, les humains qui sont au Jannah, on est tous jeunes. Ça veut dire que moi j'y suis, a'udzubillah. Mais quand je dis on, c'est les humains, mukallafoun, qui sont au Jannah, on est tous jeunes. Wa annahuma rayhanata, qui sont tous les deux. Rayhana là-bas, c'est une plante. Je crois que c'est la. Je sais plus c'est quelle plante. Je crois que c'est la basilic, ou qui a une odeur très bonne, très forte. En fait, c'est une source de fraîcheur, une bonne odeur qui dégage. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni uhibbuhuma fahibbuhuma. Il a dit, oh Allah, je les aime, en parlant de ses deux petits-fils, donc aime-les. En faisant dua que Allah les aime. Donc, le fil Hassan, inna ibni hadha sayyid wa sayyuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn azimatayn min muslimin. Il a dit, mon fils un tel, ce qui prouve qu'un grand-père peut dire de son enfant, son petit-fils, même petit-fils maternel, c'est-à-dire le fils de sa fille, c'est mon fils. D'accord ? Car le grand-père a le statut du père. Il a dit que Allah Azawajal, celui-ci est un maître par lequel Allah conciliera entre deux groupes des croyants. Vous le savez, quand il y a eu justement le conflit, par la suite, qui est entre Muawiyah, justement, et Hassan. Que Hassan s'est désisté de son poste de Khalifa pour éviter des conflits. Il les a laissés à Muawiyah. Il les a laissés à Muawiyah. Wa qala fi ummihima inna sayyidat Nisa al-Jannah. Il a dit à propos de Fatima, qui est la mère de Hassan al-Hussein, qui était la femme de Ali, radiallahu anhu, qu'elle est la maîtresse des femmes du Jannah, du paradis. Fa qad sabata li kathir min as-sahaba fada'il 'ala al-'umum wa al-infirad kathira la tuhsa. ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين في كل من كل وجه. Il a dit donc beaucoup de sahaba ont eu beaucoup de hadiths qui les citent avec leur mérite. De façon générale en groupe ou de façon individuelle. De façon indénombrable. Ce qui ne veut pas dire que le fait de citer un mérite pour un sahabi veut dire qu'il est meilleur que l'autre. D'accord ? Forcément. Sous tous les points de vue. Certains ont des mérites que d'autres n'ont pas. Et ainsi de suite. Cependant, il a dit, il est le khulafa al-arba'a, à part les quatre califes, qui eux sont meilleurs dans l'absolu que les autres. D'accord ? Ces quatre-là, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, radiallahu anhum ajma'in, sont les meilleurs de tous dans l'absolu. Amal salasatu, fait le hadith, les hadiths ibn Omar al-Sabiq, ou Amma Ali, فبإجماع السنة أنه كان بعضهم أفضل من من على وجه الأرض. Donc quant aux trois califes, leur préférence, c'est quoi la preuve? C'est le hadith d'Ibn Omar, qui est une preuve claire. Quant à Ali, c'est l'unanimité des gens de la sunna qui disent que Ali et le quatrième est le meilleur après eux. طيب donc voilà. Fa aliyoum naktafi bihadha al-qadr inchallah. Et Raden, on parlera plus de du califat qu'il y a eu après eux. Naam. طيب فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.